Section 2 de La Fée des Grèves par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 4, 5, 6. Chapitre 4 Veillée de la Saint-Jean. Le manoir de Saint-Jean-des-Grèves était situé entre le bourg de Saint-Georges, sur le Couesnon, et le bourg de Chéruex. Sous le manoir, comme c'était la coutume, quelques maisons se groupaient. Le manoir occupait le faîte d'un petit mamelon. Un taillis de chêne le séparait du village. Le bief neuf coulait derrière le manoir. On nomme bief les ruisseaux marneux à berges escarpées, aux cours manquant de pente, qui dorment tristement dans l'étendue du marais. La principale maison du village appartenait à Simon le Priol, laboureur et fermier de Morvert. C'était une bâtisse en marne battue et séchée que soutenaient des pans de bois croisés en X. La toiture de roseaux était haute et svelte, comme si elle eût essayé de relever le style épais de la maison. Dans ce pays plat et gras, le pittoresque fait défaut. Alors, comme aujourd'hui, c'était du blé de rue et bienvenu sous des pommiers difformes et sur de la marne labourée. Terre grisâtre comme du savon de ménage, noir comme du brai en fusion, moulins à vent qui ne tournent guère, masures ennuyées derrière leurs haies jaunes, et portant leur toiture de rose près du sol, comme un gars innocent et frileux qui rabat jusqu'au menton son gros bonnet de laine. Bon pain, cidre gluant, sang de Bretagne mêlé à sang de Normandie, querelles au bâton, querelles à l'écritoire, deux hommes de loi pour un médecin pour un quart de malade, quatre malades pour un homme en santé. Tournez la tête, faites 300 pas, vous quittez la boue, vous trouvez le sable, la grève, le vent vif, les pêcheurs découplés comme des héros, la vraie Bretagne. On est enfoui sous ces odieux pommiers, mais ils sont si bas. Pour voir l'horizon immense, il suffit de se hausser sur un trou de taupe. Dole, heureux pays des gros marrons et des procès incurables, contrée sans prétention, à l'abri de toute poésie. Dole, ville naïve qui possède un joyau pour cathédrale et qui entend la messe dans une grange. Dole, cité druidique d'où les épiciers raisonnables ont chassé les bardes fous. Salut et prospérité, bon pain, cidre gluant, pommes de terre guéries, voilà les souhaits conformes pour ton bonheur. Le village de Saint-Jean était trop près de la grève, bien qu'il ne la vît point, aveuglé qu'il était par 6 châtaigniers et 3 douzaines de pommiers pour ne pas secouer cette torpeur lymphatique qui endort le marais. Il y avait autant de coquetiers que de garçons de charrue au village de Saint-Jean, et le bief neuf y amenait l'eau de la mer aux grandes marées jusqu'à la porte de la grange. Simon le Priol était à la tête du village de plein droit et sans conteste. Après lui venait maître Guéfès, être hybride, moitié mendiant, moitié maquignon, un peu clair, un peu païen, normand triple avec un nom breton. Après maître Guéfès, le commun des mortels. C'était une 15aine de jours après le service célébré au Mont-Saint-Michel pour le repos et le salut de monsieur Gilles de Bretagne. Il y avait grande veillée chez Simon le Priol pour la fête de la Saint-Jean, qui était en même temps la fête de manoir et celle du village. On avait brûlé 25 fagots de châtaigniers sur l'air, des fagots qui pétillent gaiement dans la flamme et qui lancent au vent des fusées de folles étincelles. Le souper cuisait dans le chaudron massif suspendu à la crémaillère. Dans l'unique pièce qui composait le rez-de-chaussée de la ferme, le village entier était réuni. 10 à 12 gars, autant de filles, 2 ménagères et maître Vincent Guéfès, lequel appartenait à aucun sexe. Ce n'était pas un homme, en effet, puisqu'il ne savait ni labourer, ni pêcher, ni se battre. Ce n'était pas une femme, puisqu'il s'appelait maître Vincent Guéfès, et qu'il mendiait à Dole ou à Avranches, dans un vieux feutre d'échevin. L'assemblée était présidée par Simon le Priol et sa métayère Fanchon la fileuse, bonne grosse dauloise, rouge, forte, franche, buvant son coup de cidre comme une luronne qu'elle était, et ne disant jamais non quand un pauvre quémandait à sa porte. Fanchon la fileuse était, ma foi, la fille d'un valet de notre sieur, le pro-secrétaire de l'évêché, ce qui lui donnait un peu d'orgueil. Simon le Priol, lui, avait une honnête figure un peu sèche sous une forêt de cheveux gris. C'était un grand bonhomme, ayant la conscience de sa valeur et sachant garder son « quant à soi » parmi les petites gens du village. Il tenait sa ferme à fief, non à bail, et comme Hugh de Morvert était bien la perle des maîtres, Simon le Priol avait de quoi dans quelques coins. Il passait pour riche. Quand un homme est riche, on l'accuse d'être avare. Simon subissait le sort commun. Cela n'empêchait pas sa fille Simonette de rire et de chanter comme une bienheureuse et d'aller plus rouge qu'une cerise, toujours courant, toujours sautant, babillant ici, là, mordant une pomme, grimpant au talus, passant par-dessus les haies, se signant au-devant des croix et rêvant parfois quand son grand œil noir plongeait à l'horizon. Du reste, Simonette ne rêvait pas souvent. Elle avait autre chose à faire. Elle avait deux belles vaches à soigner, une rousse et une noire. Cornes évasées, mufles courts, regards fixes, gaies toutes deux et bonnes laitières, des vaches qu'on aurait payées 3 anges d'or la pièce au marché de Pontorson. Des vaches comme il en fallait pour fournir la crème exquise du déjeuner de Mademoiselle Reine. Car Reine de Maurevert habitait presque toujours le manoir de Saint-Jean. Pas maintenant, hélas, maintenant Reine était Dieu savait où, depuis que son vieux père menait la vie d'un proscrit. Pauvre demoiselle, si douce, si charitable, si aimée. Quand Simonette allait par les chemins, les bras passés autour du cou de la rousse ou de la noire, elle pensait bien souvent à Mademoiselle Reine. Elles étaient du même âge, la fille du gentilhomme et la fille du paysan. Elles avaient joué ensemble sur la pelouse du manoir. Ensemble, elles étaient devenues belles. Reine avait la noble beauté de sa race. Plus tard, nous la verrons bien plus belle encore sous son voile de deuil. Simonette, franchement, vous n'avez jamais pu rencontrer de plus mignonne créature. Un sourire contagieux, un sourire irrésistible. À la voir, les fronts se déridaient. Simonette, Simonette, rien que ce nom-là, c'était de la gaieté pour ceux qui l'avaient vue, excepté pourtant pour ce pauvre petit Jeannin, le coquetier. Jeannin pleurait quand les autres souriaient. Il se cachait pour voir passer Simonette, et quand Simonette était passée, il se prenait le front à deux mains. S'il avait osé, le petit Jeannin, il se serait vraiment cassé la tête contre un pommier, mais il aurait eu peur de se faire trop de mal. Figurez-vous une tête de chérubin, avec des cheveux bouclés à profusion, de grands yeux bleus, tendres et timides, et sous sa peau de mouton, hélas bien usée, cette gaucherie gracieuse des adolescents. Il était fait comme cela, le petit Jeannin, et il allait avoir 18 ans. Par exemple, pas un denier vaillant, des pieds nus, des chausses trouées, pas seulement une devantière de grosse toile pour remplacer sa peau de mouton qui s'en allait. Simon le Priol ne l'avait jamais peut-être regardé. Ce n'était pas un parti. Simon voulait pour sa fille un homme de 50 écus nantais. 50 écus, grand Dieu! Chaque écu valant 12 livres de 20 sols royaux à 12 deniers tournois le sol, s'il ne rognait. Le petit Jeannin n'avait jamais vu tant d'argent, même en songe. Et en conscience, est-ce bon pour faire des maris ces séraphins aux yeux de saphir et aux cheveux d'or? Maître Vincent Gueffès disait non. Parlons de Maître Vincent Gueffès. Front étroit, vaste nez, bouche fendue avec une hallebarde. Dans cette bouche, une mâchoire monumentale, haute, large, solide et ressemblante à ces belles mâchoires antédiluviennes, à l'aide desquelles, 400 ans plus tard, les savants devaient reconstruire tout un monde. La mâchoire de Maître Vincent Gueffès, retrouvée par hasard, a dû conduire tout droit à l'idée du mastodonte. Beaux petits yeux ronds, doucement frangés de rouge, cheveux couleur de poussière, longue taille maigre et droite, dans une houppelande faite pour autrui, tel se présentait Maître Vincent Gueffès. Simon le Priol avait coutume de dire qu'il n'était point laid. Simon le Priol avait raison, en ce sens que Maître Gueffès était affreux. Du reste, point d'âge. Vous savez, ces bonnes gens ont de 25 à 60 ans. Passés 60 ans, ils rajeunissent. Eh bien, avec cela, Maître Gueffès était bas normand des pieds à la tête. Il avait de l'esprit comme 4 malins de Domfront, sa patrie. Or, un malin de Domfront vaut 4 finauds de vire, qui valent chacun 4 citrouilles de Condé sur Noireau, ville où les huîtres naissent à 20 lieues de la mer. Maître Gueffès était le rival du petit Jeannin le coquetier. Il trouvait Simonette charmante, et quand il songeait à la dot de Simonette, sa mâchoire tout entière se montrait en un épouvantable sourire. Maître Gueffès ne mendiait jamais aux environs de Saint-Jean. D'ailleurs, mendier en ce temps, c'était tout bonnement prendre sa part de certaines largesses périodiques. Maître Vincent Gueffès allait quérir sa soupe à la distribution du monastère. Il criait Noël sur le passage des seigneurs, mais ce n'était pas un gueux. On savait bien qu'il avait quelque part un sac de cuir qui motivait amplement la bienveillance de Simon le Priol. Le pauvre petit Jeannin était peureux comme un lièvre, au sens cela maître Gueffès aurait eu son compte. Et maintenant reste-t-il quelqu'un à décrire autour de la grande cheminée? À part Simon le métayer, Fanchon la métayère, Simonette, Gueffès et le petit Jeannin, il n'y a guère que des comparses. Joson le vannier, Michon la buandière, 4 Mathurins, autant de Gothon, une scolastique et 2 Catiches. N'oublions pas cependant la rousse et la noire, les 2 belles vaches commodément vautrées à l'autre bout de la chambre, et 3 gorets, sauf respect, grognant sous la table même. La veillée allait bien, la cruche au cidre circulait assez vivement, escortée de l'écuelle commune. Fanchon, la digne métayère, à cause de la solennité de la Saint-Jean, savourait toute seule une tasse d'hypocras. Les rouets chômaient, les fuseaux de même. Les 4 Gothons étaient las de jouer à la main chaude avec les 4 Mathurins. Le petit Jeannin, les pieds nus dans les cendres, laissait passer l'écuelle sans y mouiller ses lèvres et regardait Simonette tant qu'il pouvait. Dans sa blonde tête, il brodait de 1000 manières diverses thèmes invariables. Si j'avais 50 écus nantais. Maître Vincent Gueffès se taisait, comme devraient faire tous les bas normands d'esprit. Simonette riait avec l'un, avec l'autre, avec tous, l'heureuse fille. En ce moment, elle écoutait Simon le Priol, son père, qui contait une histoire. Une belle histoire, car vous eussiez entendu la souris courir dans la salle basse de la ferme. « Voilà donc et comme ça, mes vrais amis, » disait Simon. Le chevalier était de quelque part par là, en Léon ou en Cornouailles, du côté de la Bretagne bretonnante, comme on l'appelle, à cause qu'on y parle baragouin. Il venait en la ville de Dole pour voir sa mère ou autre chose, je ne sais pas. Voilà qu'est comme ça. Ils couchaient 3 dans la même chambre, à l'hôtellerie des 4 Besançon, sous le couvent des Minimes, au bout de la rue qui tourne. Un Français, un Normand et le chevalier breton, qui fait 3, comme je vous le dis. Avant de s'endormir, c'est pourtant vrai, ce que je vous fais là, le Français chanta une antienne, le Normand conta les angelots de son escarcelle, et le Breton récita ses prières. Faut pas mentir, le Français dit au Normand, « Combien as-tu dans ton sac, mon compagnon ?»« 100 sols de la monnaie de Rouen et 3 ducats de Flandre, » répondit le Normand. « Veux-tu les jouer au dé en 15 passes, contre 100 sols parisis et 3 anneaux de ma chaîne d'or ?» Le Normand ferma son escarcelle et la mit sous son oreiller. « Tu ne veux pas ?» reprit l'enragé Français. « Eh bien, buvons-les s'il ne te plaît pas de les jouer. »« Mes chers compagnons, interrompit ici le Breton, je vous prie de me laisser dire mes oraisons. Passe-moi l'écuelle, Mathurin. » Ce n'était autour du cercle que bouche béante et regard curieux. Simon le Priol but un large coup et poursuivit. « Nous n'y sommes pas, mes bonnes gens. Oh, mais non !» Vous allez voir bientôt ce que fit la fée des grèves. Attention. Chapitre 5. Un Breton, un Français, un Normand. Simon le Priol continua ainsi. Voilà donc et comme ça, vous autres. Le chevalier breton leur dit, mes compagnons, je vous prie de me laisser dire mes oraisons. Mais les Français, mes petits enfants, ça a le diable dans le corps, faut pas mentir. Le Français reprit, ta prière sera bonne demain comme ce soir, sire Baragouin. Si tu as quelque chose dans ton escarcelle, je te propose la même partie qu'au Normand. » Le Breton se signa et dit « Amen ». Sa prière était finie. « Tu dis « Amen » !» s'écria le Français. « Donc tu consens. J'ai des dés dans ma bourse comme un honnête homme. Normand, lève-toi et sois témoin. » Les petits enfants, qui fut embarrassé ? Ce fut le chevalier breton, car il n'avait dans son aumônière qu'une pauvre piécette de 24 sous, percée au milieu et rognée tout alentour. Cependant, il avait dit « Amen », et pour l'honneur de la Bretagne, il ne pouvait point se dédire. « Pour si futile objet, pensa-t-il, Dieu et la Vierge ne me viendront point en aide, à moi la bonne fée des grèves. » Il y eut à ce nom un long soupir de contentement autour de la cheminée. Les escabelles se rapprochèrent, tous les yeux dévorèrent le conteur. Simon le Priol, sûr de son effet, réclama la cruche et l'écuelle. Et tout le monde murmurait « Ô maître Simon, dites vite, dites vite !» Maître Simon prit son temps, lampa une terrible rasade et poursuivit. « Vous me demanderez ce que pouvait faire la fée des grèves dans une partie de dés, jouée en terre ferme. Attendez, mes petits enfants, vous allez voir, voilà donc et comme ça. Mon compagnon, dit le chevalier breton, dans mon pays de Cornouailles, on ne sait point jouer aux dés. Quel jeu joue-t-on dans ton pays de Cornouailles ? Le jeu du bois de cormier, mon compagnon. Et comment le joue-t-on, ce jeu du bois de cormier ? On le joue sans table ni tapis, dans l'air avec deux gaules d'une toise. Bon pied, bon œil et à la grâce de Dieu. » Le français comprit et fit la grimace. L'assemblée eut ici un gros rire franc et joyeux. « Il n'était pas gaucher, le breton, » dit un Mathurin. « En voilà un malin, le breton, » s'écrièrent plusieurs gotons. Entre voisins, on se pinça le gras des bras jusqu'au sang par jubilation et sans malice. Le pauvre petit Jeannin seul n'écoutait guère et ne pinçait personne. Il en était toujours à penser « Si j'avais seulement 50 écus nantais !»« Quoi donc, voilà qui est comme ça !» reprit encore Simon le Priol. Le breton n'était pas bête, c'est la vérité, faut pas mentir. Ce fut au tour du français d'être embarrassé. Le normand, lui, avait son idée. « Mais bon chrétien, dit-il, on peut arranger ça, et je serai, s'il vous plaît, de la partie. Ni dés, ni bâton, faisons un pèlerinage à la maison de Saint-Michel, l'archange, et partons en même temps. Le premier arrivé sera le maître. » « Top !» s'écria le français, qui avait vu le mont de loin, en passant sur la route. « Top !» dit le breton, qui ne voulait pas reculer. Le normand sourit dans sa barbe, parce qu'il connaissait les tangues, étant du gros bourg de Genet, de l'autre côté d'Avranches. Ils se donnèrent la main et descendirent tous trois à l'écurie. Vous dire l'avide curiosité excitée par cette simple légende dans l'auditoire de maître Simon le Priol serait chose impossible. D'abord, la lutte était bien établie entre les trois races rivales, bretons, normands, français. Ensuite, il s'agissait des tangues, ces déserts sans route tracée, aux dangers connus et toujours mystérieux. Enfin, on voyait apparaître dans le lointain du récit la fée des grèves, la mythologie du pays, l'élément surnaturel si cher aux imaginations bretonnes. La fée des grèves allait jouer son rôle. La fée des grèves! L'être étrange dont le nom revenait toujours dans les épopées rustiques racontées au coin du foyer, le lutin caché dans les grands brouillards, le feu follet des nuits d'automne, l'esprit qui danse parmi la poudre éblouissante des mirages de midi, le fantôme qui glisse sur l'Élise dans les ténèbres de minuit, la fée des grèves avec son manteau d'azur et sa couronne d'étoiles. Ah, dame, poursuivit Simon le Priol, ah, dame, ah, dame. « Voilà donc et comme ça pour de vrai, les gars et les filles, je ne mens pas. » Le breton sella son cheval noir, le français sella son cheval blanc, le normand sella son cheval qui n'était ni blanc ni noir, parce que dans son pays, tout est pis. Blanc et noir, chèvre et chou, un petit peu chair, un petit peu poisson. Quoi ? Un pied chez le bon Dieu, un pied chez le diable. Et en route. « Bon voyage, mes vrais amis !» leur cria le normand qui prit la route de Pont-Orson. Le français répondit « Bon voyage !» et piqua droit au sable. Le breton dit aussi « Bon voyage !» mais il retint son cheval. Que fit-il ? C'est à présent que la fée pouvait le perdre ou le sauver. « Ah, dame, oui, par exemple !» interrompit l'assistance tout d'une voix. Simon, flatté de cet élan naïf, fit un signe amical à la ronde et poursuivit. Pas moins le normand courait en faisant le grand tour et le français galopait vers les grèves. Mon breton, ayant réfléchi, vrai comme je vous le dis, entra chez un marchand d'épices et acheta des friandises pour toute sa piécette de 24 sous. Il savait que la bonne fée aimait les doudous parce qu'elle était une femme. Et il partit semant ses épices au bord du rivage en disant « bonne fée, prends pitié de moi !» On vous l'a dit et c'est la vérité. La fée descend dans le brouillard, mais elle se laisse aussi glisser le long des rayons de la lune. Le breton la vit venir ainsi. Ah, grand Dieu, c'était un brave homme, vous allez voir. La fée courut aux épices, le Breton se coula jusqu'à elle, et comme la fée s'amusait aux friandises, il la saisit à bras le corps. Voyez-vous ça ? Fit-on dans l'assistance. Et l'attention de redoubler. Le petit Jeannin lui-même tournait maintenant ses grands yeux bleus vers Simon le priole. « Ma foi, dame, oui, les gars et les filles !» continua Simon. Le Breton la saisit à la brasser. « Et si vous ne savez pas grand-chose, vous savez bien sûr qu'une fois prise, la fée fait tout ce qu'on veut et donne tout ce qu'on demande. « Oh ! » fit le petit Jeannin, qui n'avait peut-être jamais osé prendre la parole devant une si imposante assemblée. « Est-ce bien vrai, ça ?»« Si c'est vrai !» commença Simon scandalisé. « Donne-t-elle des écus nantais ?» interrompit encore le petit Jeannin. Tout le monde éclata de rire. Le pauvre enfant, rouge et confus, baissa la tête. Simonette, toute seule, comprit le sens détourné de cette question et son regard remercia le petit coquetier. « Toi, disait cependant Simon le priole, tu vas te taire, pêcheur de coque vide. La fée donne des écus nantais comme elle donnerait des perles, des diamants et de tout. Ça ne lui coûterait pas davantage puisqu'elle voit au fond de la mer. Voilà qu'est donc comme ça. Le Breton lui dit à la fée, « Bonne fée, je ne veux ni or ni argent, je veux passer au mont à pied sec, en droite ligne. » Il n'avait pas fini de parler que la fée était assise gracieusement sur le cou de son cheval et lui en selle. Et hop, le cheval noir prit le galop tout seul. Adam fallait voir ça. Au bout d'une lieue, le Breton vit le Français qui était en train de s'ensabler avec son cheval blanc dans une coquine de lys, au beau milieu du cours de Couesnon. Et hop, c'est tout au plus si le Breton eut le temps de dire « Dieu et son âme ». Le cheval noir allait, allait, et la fée, demi-couchée sur l'encolure, laissait flotter au vent la gaze blanche de son voile. Tant que le cheval noir eut la grève sous les pieds, ce ne fut rien, mais on était en marée. Et la mer montait. Bientôt le flot passa entre les jambes du cheval. Et hop, le cheval se mit à courir sur la mer, effleurant à peine l'écume de la pointe de son sabot. Les vagues dansaient, le Breton fermait les yeux pour ne pas devenir fou. Et hop, toutes les respirations s'étaient arrêtées. On perdait le souffle à suivre cette course fantastique. Simon le priole reprit haleine et essuya la sueur de son front. Car il comptait cela de grand cœur, comme il faut compter quand on veut passionner son auditoire. On peut dire qu'autour de la cheminée, chacun voyait le cheval noir courir sur la pointe des lames et le voile de la fée flottant à la brise nocturne. Fanchon, la ménagère, plongea sa cuillère de bois dans le chaudron où cuisait la bouillie d'avoine et emplit une pleine écuellée. « La part de la bonne fée » murmura-t-on à la ronde. Maître Vincent Guéfès, le vilain normand, fut tout seul à hausser les épaules. « Ce ne fut pas long, mes petits-enfants, » poursuivit Simon le priole. Le Breton commençait à haver dévotement parce qu'il se reconnaissait en faute pour s'être mis sous une protection autre que celle de la Vierge Marie, lorsqu'il sentit un grand choc. C'était le cheval noir qui prenait pied sur le rocher du mont. Le Breton rouvrit les yeux. La fée se balançait comme une vapeur aux rayons de la lune. Elle se jeta tête première dans la mer bleue qui rendit des étincelles. Le chevalier Breton passa la nuit en prière dans la chapelle du couvent. Le lendemain, au bas de l'eau, il vit arriver le fin Normand par la route de Pontaubeau. Le Normand donna ses 100 sous de la monnaie de Rouen et ses 3 écus royaux bien à contre-cœur. Quant aux Français, Satan sait de ses nouvelles. « Voilà ce que c'est, mes petits-enfants. Tout est vrai comme ma mère me l'a dit. Et ni, j'ai fini. » Il y eut une brillante explosion parce que chacun avait retenu son souffle. Les observations se croisèrent, les langues des 4 Gothons, surtout, trop longtemps immobiles, avaient absolument besoin de fonctionner. « Ah, Jésus-Dieu !» s'écria Gothon le cerf. « Le pauvre Français fut bien puni tout de même. »« Pourquoi chantait-il les vêpres luronnes ?» riposta Gothon le gris. « Et le Normand ?» reprit Gothon le noir. « Ah, dame !» conclut Gothon le doux, « le Normand fut dindon, ça c'est vrai, et bien fait. » Et chacun de rire. Pourquoi rit-on toujours quand un Normand se casse le cou ? Maître Guéfès haussa encore les épaules. Et vous allez mettre à présent une bonne écuellée de gruau sur le pas de votre porte, n'est-ce pas, dame Fanchon ? Dit-il d'un air narquois. Oui, maître Guéfès, répondit la ménagère qui ajouta en s'adressant à Simonette : Tiens, fillette, porte la part de la bonne fée.